Monsieur Destremont? Oui, c'est ça. Terence? Oui. Bonjour, enchanté. Je me présente, je suis Christophe du service cybersécurité de chez Binance. Ça ne dérange pas? Non, ça, non, Parfait. Je vous appelle suite à une anomalie qui nous pose souci sur votre application Binance. bon? Oui, il y a un nouvel appareil de confiance qui s'est présenté avec une localisation située à Berlin, en Allemagne. Donc, vous voulez tout simplement savoir si c'était vous qui êtes à l'origine de cela. Non, Berlin, non. C'est pas... Non, d'accord. Donc, vous, de votre côté, c'est quand la dernière fois que vous êtes présenté sur Binance? Oh, les gars, il y a moins d'un mois, je dirais, mais des Moins trucs d'un mois. comme ça. Là. Oui, Je vois qu'il y a toujours des actifs hein, sur l'application. je sais, bah du coup, je vais laisser là à dormir, mais. D'accord. Ok, monsieur. Donc, ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de cette connexion, c'est ça? Non, c'est pas moi, non. Ok. Est-ce qu'une personne de votre entourage, de votre famille, tente peut-être de se connecter à votre compte? Non, impossible. D'accord. Vous êtes le seul utilisateur de votre compte Binance, c'est ça? Oui. Ok, donc si vous n'êtes pas à l'origine de cet ajout, donc je vais dans un premier temps ouvrir un dossier litige afin de désynchroniser cet appareil qui ne vous appartient pas. D'accord. Maintenant, alors je vais juste tout simplement vous demander de vous connecter sur l'application, vérifier si vos tokens sont toujours là, s'ils n'ont pas bougé de votre côté, s'il n'y a pas eu de transaction suspicieuse ou autre, sans me communiquer d'informations personnelles, que ce soit sur votre solde ou d'autres informations. Je vous laisse vous connecter, vous confirmez que tout est bon, pour qu'on puisse D'accord. directement désynchroniser l'appareil. Allez-y. J'entends. Donc il a réussi à se connecter ce compte ou pas? Ah oui. C'est pour ça qu'on a reçu un nouvel appareil qui s'est présenté, tout simplement. Un Redmi 11 Pro, et ils ont réussi à se connecter à Berlin, en Allemagne. Il y a Redmi 11 23 Pro en minutes, plus. exactement. Après, j'ai jamais fait de transaction où je sais pas ce que je peux regarder. Alors là, actuellement, quand vous êtes sur l'application ou sur le site, Sur le site, vous ouais. regardez directement votre solde, vous voyez si c'est cohérent par rapport à ce que vous avez déposé auparavant. C'est une bonne question. Apparemment, vous avez juste à cliquer sur la crypto-monnaie, vous allez voir l'historique. Vous pourrez voir s'il y a eu des transactions ou autre. Ah ouais, attendez, j'essaie de repérer là un petit peu. Allez-y. Confirmez-moi dès que vous êtes bien connecté que je puisse vous guider si vous voulez. Je connectais là déjà, mais après, Ah, vous êtes connecté. ouais. Là, vous êtes sur l'application, c'est ça? Sur le site internet. Site internet. D'accord. Donc là, normalement, vous avez votre solde. Hein. Vous voyez votre solde, c'est ça? Devant Oui, vous? en BTC, oui. Voilà. En BTC, parfait. Juste en bas, vous avez vos crypto-monnaies. Juste en dessous. Il y a marché, découvrir, marché du coup. C'est ça, le marché. Et vous avez vos crypto-monnaies. Ah, Vous je avez connais pas juste à le. cliquer sur la crypto-monnaie en Ok. question et vous allez voir l'historique des transactions. Ouh. Ah, ça fait longtemps que j'ai plus été. Hein. Historique des ordres. Je comprends. Je comprends bien, Okay. évidemment. Bon, depuis celle du marché, j'ai regardé, non, il n'y a pas d'ordre dessus, donc il n'y a rien qui a bougé. Parfait. Alors là, regardez ce que je vais faire. Je vais vous mettre en attente en musique, je vais regarder si j'ai un agent disponible et je vous reprends d'ici quelques secondes. Ok? D'accord, ça va, oui, merci. Merci. J'ai un agent qui est disponible, je transfère directement à lui. D'accord, D'accord? ça va, merci. Et moi, je vous reprends par la suite. Merci. D'accord, À tout merci. à l'heure. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, est-ce monsieur ? Das Pomont Terrence, c'est ça ? C'est ça, oui. Parfaitement, je viens de récupérer effectivement un dossier à votre nom en interne maintenant. Super. Ok, je vois ici que vous subissez actuellement un club du coup de votre mobile sur l'appareil Android se localisant en Allemagne. Vous travaillez sur Android ou sur Apple ? Je suis sur Android, oui. Sur Android, vous avez déjà été propriétaire d'un Redmi, un appareil que vous aurez pu... Je suis sur Redmi, oui, plusieurs, oui. Non, pas perdre, un 11 Pro, jamais, non. 11 Pro, vous n'avez jamais été propriétaire d'un 11 Pro ? Non. D'accord. Alors, je vois qu'il y a une adresse Yahoo aussi qui a été supprimée de la part de mes confrères. Est-ce que c'est une adresse que vous connaissez ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok. Est-ce que éventuellement vous auriez confié votre mot de passe ou votre phrase à qui que ce soit qui aurait pu reprendre la main sur votre compte ? Non, personne du tout. Personne du tout. Ok, c'est parfait. Je vois ici que vous avez été concrètement transféré vers moi parce que vous n'avez pas instauré votre sauvegarde, ce qui empêche pour l'instant la possibilité donc, de désynchroniser le deuxième appareil. Vous êtes actuellement connecté sur Binance, vous êtes sur la version professionnelle ou bien la version light, vous le savez ? C'est la version light. La version de light tout en bas à droite, vous voyez le portefeuille, c'est ça ? Attendez, parce que je suis en train de regarder dans mes appareils, du coup je ne voyais pas l'appareil que vous me disiez qui était dessus. Je vous entends très mal, ça saccade quand vous parlez. Vous m'entendez bien ? Oui, en fait ça fait des micro-coupures, ça saccade. Ah, c'est certainement mon casque, je vais passer sur le combiné. D'accord, merci. Est-ce que là vous m'entendez bien ? Non, c'est pareil. Ah, autant pour moi. Pas de soucis. Très bien. Donc, du coup, je vous laisse vous connecter au sein de votre application via votre téléphone, donc de confiance. Je vais me connecter via mon téléphone, parce que là, je suis connecté sur le site internet, du coup. Comme vous le souhaitez. Normalement, enfin, ce qui est bien à la fin, c'est que vous puissiez donc réactiver une nouvelle fois le double authentificateur. Une fois qu'il va y avoir la mise à jour des paramètres de votre application, on voudrait mieux effectivement faire les manipulations directement de votre téléphone. D'accord. Ok, bon, un petit instant. Pas de soucis. Alors, vous aviez renseigné une adresse email de récupération compte@eli-estige.com. Ça, c'est bon. Est-ce que vous êtes toujours propriétaire de cette adresse ? Oui. D'accord. Est-ce que vous vous sentez éventuellement harcelé sur cette adresse ces derniers temps ? Il y a eu quelques mails, oui, effectivement, oui. Oui, vous avez quelques mails dérangeants ? Là, par exemple, j'ai une vérification. Enfin, oui, là, oui, il y a des petits mails ces derniers temps. Mais attendez un petit instant. Oui ? Oui, ben, en fait, sur la pharmacie, je ne sais pas ce que tu veux exactement. C'est une... pas la cortisone. Hydrocortisone. Hydrocortisone, oui. Et il doit bien avoir en 1%. Attends, je te mets au parleur ? Oui. Allô ? Oui. Ah, mais du coup, j'avais pas mis le parleur, j'avais mis le micro. C'est pour ça, en fait, exactement qu'elle demande. C'est parce que j'ai des rougeurs sur les jambes qui démangent. Mais ça, si tu peux, ça soigne pas. Ça soigne pas ? Non, ça soigne pas. C'est dernier. Bon, on va vraiment remettre en ce chemin. Mais après, si ça se passe pas, on va quitter. Oui, d'accord, ça va. D'accord. C'est ce qu'il faut. Oui. Désolée, mais moi, je suis pas mal. Non, je vous dis. Elle me dit plein de trucs, je sais rien du tout. Oui, mais j'avais pas de nom non plus, je savais juste que c'était hydrocortisone 1%, c'est tout ce que je savais. Elle me dit non, pas de cortisone, je dis. Oui, la cortisone, tu peux pas. Mais, c'est bon, c'est ce qu'il faut. Oui, tu veux pas que c'est hydrocortisone, je te laisse parce que je suis en appel avec quelqu'un. Oui, ok, ouais. Tout à l'heure. Allô ? Comment on fait pour reprendre ? Oui, excusez-moi. C'est bon pour vous ? Oui. Bah, j'étais en train de me connecter, mais du coup, j'ai reçu un appel. Je suis désolé, attendez, je reprends du coup. Pas de soucis. Donc, je vous laisse vous connecter. Et bon, sur l'application, j'avais mis mon empreinte et tout. Oui, effectivement. Voilà, là, je suis sur l'application. Ok, donc tout en bas à droite, est-ce que vous voyez actif ou portefeuille? Premièrement. Portefeuille, d'accord. Donc tout en haut, là, vous voyez le logo bilance, il faut cliquer dessus. Oui, voilà. En bas, vous avez un bordereau avec écrit Binance Pro. Oui. Vous cliquez dessus, vous l'activez. Premièrement. C'est gratuit? Pardon? C'est gratuit? Oui, effectivement, il n'y a pas de frais. De toute manière, vous êtes actuellement sur une sauvegarde, donc vous ne faites plus partie du marché. Hein. Vous n'avez ni frais, ni taux de change, ni rien du tout. D'accord. Jusqu'à la fin de la mise à jour. Pardon ? C'est bon pour vous ? Je peux faire la procédure. Alors, c'est deux boutons. Hein. Alors, il me demande un code anti-phishing. Alors ça, vous mettez ignoré. Je sais pas, moi j'ai juste... Ah, ça doit... Ignoré. J'ai pas le bouton que j'ai créé. Pardon ? J'ai pas le bouton ignoré. Bah oui, vous avez ignoré en bas, ou la croix en haut. Ah, je recommence. Oui. Non, je pas. Ça doit être fait parce que maintenant j'ai Binance Lite en dessous, donc ça doit être bon. Ok, tout en bas à droite maintenant, il y a écrit quoi? Il y a écrit actif? Actif, oui. D'accord, c'est parfait. Cliquez sur actif. Ouais, tout voilà. En haut, vous allez disposer de votre solde général et en dessous, vous allez voir des noms de crypto-monnaies. Vous utilisez une ou plusieurs blockchains? J'en ai plusieurs. D'accord, est-ce qu'éventuellement vous avez déjà du BNB qui appartient à Binance ou pas encore? Vous n'en avez pas? Non. Vous n'en avez pas. Ok, c'est parfait. Alors déjà, premièrement, à savoir que vous avez souscrit à une assurance, d'accord, via Binance, qui vous recouvre éventuellement sur un dossier comme ça à hauteur de $380. Est-ce que vous êtes au-dessus ou en dessous de cette valeur? Je suis en dessous. Vous êtes en dessous de 350 euros? Bah, je pense, en fait, j'ai plusieurs trucs que je regarde, j'ai des petits montants que j'ai laissé traîner depuis 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans que je regarde plus, en fait. Non, mais il n'y a pas de souci. Quand vous êtes sur actif, en haut, vous avez un solde. Là, il y a, ouais, je vais avancer dans BDB. Ah, attendez, je m'en ouvre peut-être. Je sais pas, BTC. Ah, c'est pas très fair. Ça ne dit pas grand chose en BTC, du coup. Ça vous donne un solde en BTC? Oui. Bah, je sais pas si ça vaut, du coup, mais. D'accord. Alors, attendez une petite seconde. Combien de zéros vous avez? J'ai 0.00. 0.00 et après? 24. Alors attendez. 0.00249. 19, 49. D'accord, donc ça fait l'équivalence de 180 euros. D'accord. Ça c'est le solde tout en haut, c'est ça? Oui. Ok, à part ça, est-ce que vous avez d'autres crypto-monnaies sur la blockchain, à part Binance? Non. Pas dit, non, c'est à part Binance, chez vous, non, j'ai que ça. Alors, c'est pas chez nous, hein, strictement. C'est-à-dire que là, actuellement, vous êtes sur une sauvegarde qui est générale de votre blockchain. Vous n'êtes pas affilié, il n'y a pas d'affiliation, hein, c'est pas le service bancaire. Vous avez quoi comme crypto-monnaie à part chez Binance? J'en ai beaucoup. Allez, regarde. Pas de soucis. Pas de soucis. J'en ai 13 au total chez vous, enfin ouais, j'en ai un peu, j'en ai 3 qui sont sur des autres sites à part en fait. Non, c'est d'accord. D'accord. Sur les autres sites, vous avez de la crypto-monnaie? Oui. C'est quoi les autres sites que vous avez à part Binance? Je vais vous aider. Oui, sur Kraken, vous avez quoi comme crypto-monnaie? J'ai en tout. Bitcoin. Et c'est tout. D'accord. Et en valeur totale? En valeur totale. J'ai 243 euros à la valeur de maintenant chez Kraken. En Bitcoin et en optimisme, j'ai 14 euros. D'accord, très bien. Et après, vous avez quoi encore comme site, à part ça? Après, c'est Bitpanda, mais enfin, moi, j'ai plus de Bitpanda, c'est du BTC, vérifié. C'est du Litecoin et du BTC, oui. Du Litecoin et de l'Ethereum, pardon. Sur Bitpanda? Oui. D'accord, alors vérifiez quel est le montant que vous disposez actuellement pour vérifier si le tout doit effectuer la sauvegarde. Ah oui, vous voulez que je regarde en live, en fait, d'accord, ok, je regarde mon portefeuille. Ah, effectivement, vous regardez votre portefeuille afin de savoir est-ce que vous avez, oui, besoin de la sauvegarde au niveau de la blockchain ou pas. Ok, bah, je vais aller regarder sur les sites du coup. Effectivement, je vous laisse vous connecter. Et après, je vais vous aider donc à récupérer votre sauvegarde. Mais pourquoi vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui avait bougé? Enfin, moi, j'ai rien vu qui avait bougé. Enfin, du coup, alors non, nous, on s'inquiète pas à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge. Alors, nous, notre but, c'est pas que ça bouge, justement. Notre but, c'est de pouvoir désynchroniser le deuxième appareil, afin que vous soyez le seul connecté sur votre blockchain, monsieur. Là, actuellement, votre téléphone a été copié, si vous avez bien compris. Oui, mais c'est sûr. Vous savez comment ça se passe? Comment tu copies un téléphone? Alors, c'est un cheval de Troie. Vous faites partie d'un réseau qui soit Bouygues SFR. Ou flics, ils ont été eux-mêmes piratés. Vous êtes un dommage collatéral. Vous n'êtes pas le seul à subir ça actuellement en France. Hein. C'est plus de 57 millions d'identités qui ont été revendues sur le Darknet. Sur Kraken, c'est bon. C'est déjà c'est bon sur Kraken. Mes bitcoins sont là. Sont toujours dessus. Alors, encore une fois, dans tous les cas, le système actuellement, il est fait pour pas qu'il y ait de subtilisation. Hein. C'est normal que vous voyez vos soldes, monsieur. D'accord. Mais actuellement, il va falloir les sauvegarder justement pour pas qu'il y ait d'écrasement dans la mise à jour. Ok. Vous comprenez? Et du coup, je vais faire quoi, moi, en fait, globalement? Alors, là, pour l'instant, je vous laisse vérifier donc sur Bitpanda ce que vous détenez. Et si vous êtes au total au-dessus de 500 euros, vous êtes obligé de faire votre sauvegarde, sinon vous allez avoir un écrasement des données. Vous pouvez avoir une perte de vos tokens. D'accord. Ah oui. Oui, non. De toute façon, je suis pas... dans mon portefeuille, je vois que je suis pas au-dessus. Là, j'ai une valeur... Non, j'ai rien dit. J'ai une valeur de 527 euros. 527 euros sur quoi? Sur Bitpanda? Bah, sur l'ensemble du site, en fait, sur tout l'ensemble. Oui, sur les trois. Ouais. D'accord, bah, c'est parfait. Du coup, vous êtes obligé, non, c'est pas obligé, mais si vous voulez garder vos tokens, en tout cas, si vous ne les gardez pas, vous risquez d'avoir un écrasement des tokens. D'accord? Donc, vous, à la base, au niveau de Binance, vous auriez dû instaurer votre sauvegarde automatiquement. Je vous ai dit, la sauvegarde, elle s'appelle Trust Wallet. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Apple Store, premièrement. Pardon? Sur Android, sur Google Store, du coup. Oui. Play Store, entends moi. Sur Play Store, vous allez avoir donc un moteur de recherche en haut et vous tapez Trust, T-R-U-S-T, espace Wallet. Vous allez voir une application, donc avec un bouclier bleu et un fond blanc, effectivement. Donc vous la chargez si c'est pas fait déjà hein, sur votre mobile. Parfait. Ok, donc là, vous lancez votre sauvegarde et vous allez trouver donc bien évidemment un onglet directement qui s'appelle « Je détiens déjà un portefeuille ». Vous n'avez pas de création à faire. Hein. Je détiens un portefeuille. Ouais, c'est le bouton « Je crée un portefeuille ». Non, j'ai déjà un portefeuille, effectivement. Là, vous devez créer votre code d'accès, donc de la sauvegarde qui vous est personnel. Hein. Le code d'accès, vous l'avez à le remettre à qui que ce soit. Hein. Ouais, voilà. Après, on va vous demander d'activer donc votre double facteur visuel digital. Non, on va pas demander ça. D'accord. Là, on vous demande alors comment vous souhaitez installer votre sauvegarde selon la phrase secrète. Vous cliquez sur la phrase secrète. Okay. Une fois que vous avez cliqué sur la phrase secrète, donc là, vous allez avoir une énoncé qui vous explique que la phrase secrète est confidentielle, qu'il ne faut pas la divulguer ou quoi que ce soit. Vous cochez, vous continuez. D'accord, c'est fait. Et après, par la suite, vous allez trouver donc directement portefeuille à plusieurs cryptos recommandés. Vous cliquez dessus. Ouais, c'est fait. Et après, en haut, vous voyez, il y a écrit portefeuille principal. Vous devez donc cliquer le renommé sauvegarde, premièrement. Une fois que c'est OK, vous avez automatiquement donc généré votre phrase qui contient 12, 24 ou 36 mots que vous allez vous-même donc récupérer par email directement. Donc dirigez-vous sur votre email et d'ici une minute, vous allez donc recevoir un mail crypté de la part de Trust Wallet. D'accord. En dehors, chez vous, parce que chez vous, un mot de passe de sécurité. En dehors de tout, est-ce que vous avez déjà connecté sur des mots de passe? Pas de mots de passe, sans les réseaux utilisés, sans mots de passe. Quand vous dirigez sur votre email, vous attendez donc le mail de Trust Wallet. Ça prend à peu près une minute, c'est une photo cryptée assez lourde. Hein. Ça prend un peu de temps. Alors bien évidemment, ce sont des données qui sont personnelles. Pour pouvoir les ranoter, vous n'allez pas pouvoir faire copier-coller. Est-ce que vous, éventuellement, vous avez un papier, un stylo à côté, ça pourrait vous aider? Non. Non, d'accord. Ah, mais de toute manière, vous avez un ordinateur, donc ça va vous aider. Vous avez reçu vos éléments? D'accord. Donc il y a 12, 24 ou 36 mots qu'il faut donc entrer dans la phrase secrète au niveau de votre sauvegarde directement. Vous allez voir, quand vous allez commencer à écrire les mots, vous allez avoir une possibilité de sélectionner effectivement. Ça va être de faire des fautes de frappe. Pas de souci. Restaurer le portefeuille, après vous allez peut-être avoir une page explicative où vous mettez ignorer en haut. Ouais. Et après vous arrivez donc sur votre page de garde de la sauvegarde avec un solde actuel à 0$ du coup. C'est parfait. Vous allez vous diriger donc sur Kraken premièrement. Sur Kraken, on va relever donc notamment par rapport aux conditions. Vous avez combien de crypto-monnaies différentes sur Kraken? Non. Vous n'avez qu'une, c'est quoi comme monnaie? D'accord. Du Optimism et du Polkadot. Et Polkadot, d'accord. Alors, concernant Kraken, la sauvegarde doit s'effectuer en Ethereum. Donc, il faut changer vos monnaies en Ethereum directement. Vous savez le faire ou vous voulez que je vous explique comment on fait? Ouais, je vais pas vous m'expliquer. Alors, vous cliquez sur le BTC. Et vous allez avoir soit swipé, soit convertir. Dépôt ou retirer. Pardon? Dépôt ou retirer. Non, et vous n'avez pas à vendre? Non. Vendre ou swiper, convertir? Si je vais vendre, oui. Voilà, donc faites vendre vers donc l'Ethereum. C'est bon pour vous? Vous faites maximum, bien évidemment. Pardon? Ah oui, vous, c'est seulement une sauvegarde. Hein. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous êtes recrédité selon ce que vous disposez sur les différentes plateformes comme c'était au départ. Vous n'êtes pas sujet au change. Ni au change et ni au frais, hein, encore une fois. Ce sont des jeux d'écriture pour pouvoir sauvegarder vos fonds. Le Bitcoin, c'est fait, je les ai vendus. Voilà, bah, vous faites pareil pour le Cosmos, etc. Jusqu'à que votre capital soit en Ethereum. Alors, si vous avez des portefeuilles qui sont en dessous de 7 euros, ce sont, on appelle ça des obligations. Donc, si vous ne pouvez pas échanger, c'est normal. Hein. Oh, Polkadot, il y a 3 euros, donc ça, je pourrais pas le faire. D'accord, Polkadot, donc s'il y a 3 euros, c'est auto-hébergé sur Kraken. Donc du coup, vous avez votre portefeuille en Ethereum et du Polkadot, c'est ça? C'est ça. Polkadot qui est bien en dessous de 7 euros. Ok, c'est parfait. Vous retournez sur votre sauvegarde. Oui. Au centre de votre appareil, vous allez trouver sur l'application gestion des cryptos inscrit en vert. Gestion des cryptos, vous le voyez? Non. Au centre de l'appareil. Et au centre de l'application. D'accord. Oui, sur le téléphone, au niveau donc de Trust. Non, un peu plus bas. Gestion des cryptos. Voilà, vous cliquez dessus. Une fois que vous êtes sur gestion, alors effectivement, en haut, vous voyez l'Ethereum, vous devez le cocher. Pour l'activer, après vous cliquez sur le logo pour être projeté sur la blockchain, vous allez voir le graphe. Oui, voilà. Et après vous allez voir donc directement recevoir en bas, vous cliquez dessus et là vous allez atterrir donc directement sur votre QR code personnel, la sauvegarde. D'accord. En bas vous voyez votre adresse et copier, donc vous copiez votre adresse. Oui, voilà. Et on va aller l'enregistrer en tant que liste blanche donc sur Kraken pour pouvoir joindre la sauvegarde. Donc vous retournez sur Kraken. Ok. Vous cliquez sur vos Ethereum. Ah, on a... Sur votre portefeuille, les Ethereum. Là, maintenant, c'est en euros sur mon portefeuille en fait. Je les ai vendus en euros. Ah, vous avez vendu en euros, bah avec vos euros, il faut racheter de l'Ethereum. Vous êtes trompé. C'est pas grave. Donc vous allez sur Ethereum, acheter, et avec vos euros, vous achetez donc de l'Ethereum. Mais là, à chaque fois, je perds des frais, par exemple, du coup, avec les transactions. Non, encore une fois, vous n'êtes pas assis aux frais ni au taux de change. Comme je vous l'ai expliqué, vous êtes seulement sur une sauvegarde. La sauvegarde, donc, c'est une évaluation de vos tokens. Vos tokens sont déjà enregistrés sur la blockchain. D'accord? C'est bon pour vous, vous avez pu... J'avais acheté des ETH et ils sont toujours en... C'est quoi le bordel? La valeur de mon token, oui, c'est la valeur. Ils sont... Bah, pas bien, là, je suis perdu. Je sur votre portefeuille, vous n'avez plus de ligne Ethereum? Attendez, je retourne donc sur Kraken, je suis revenu sur l'accueil, donc la valeur de mon portefeuille, c'est toujours des euros. Oui. Et vous, est-ce que vous voyez les Ethereum? Bah non, mais tout, je ne vois pas. Vos Ethereum, oui, voilà. Ok, là, donc les Ethereum. D'accord, donc retirer. Ok, là j'ai plusieurs choix. Ah. Donc on vous demande quoi là maintenant, le réseau? Ouais, le réseau. Donc c'est Ethereum, ERC20. Ok. Après on vous demande encore une fois le réseau, donc Ethereum. Après on va vous demander l'adresse, il faut la coller. Ok, bon alors là c'est vrai que c'est bien compliqué. Alors, dites-moi ce que vous voyez. Non, faut ça, pas que ce soit compliqué, je suis là pour vous assister. C'est l'adresse, mais du coup c'est sur Kraken, j'étais avec mon PC, parce que je ne suis jamais connecté mon téléphone dessus. Ah, ben c'est très simple. Là actuellement, vous allez sur votre adresse email de votre téléphone. Ouais. Et vous vous envoyez à vous-même votre adresse Ethereum et vous allez pouvoir la récupérer sur l'ordinateur. Okay. Vous avez compris la démarche? Oui. Vous envoyez un email à vous-même, tout simplement, avec les éléments. Et vous devez faire ça pour tous les utilisateurs? C'est une option. Alors, hop, encore. Vous êtes là? Ah, effectivement, bien évidemment, je suis là. Alors, en fait, donc j'ai transféré, ça m'a envoyé le code QR. Malheureusement, j'ai une adresse qui est QR-le code. Non, non. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait transférer sur... Vous avez collé votre adresse? Collé? Collé, non. Non, parce que j'avais un code QR. Ouais, c'est ça que fait. Non, mais le code QR... Non, non, non. Il faut copier votre adresse sur le backup. Et sur le mail, il faut coller l'adresse, tout simplement. Oui. Pourquoi vous êtes envoyé la photo du QR code? Ben, j'ai fait partager via et ça a partagé directement la photo du code QR. Ah bon? Donc vous avez le QR code sur l'écran? Sur l'autre écran, mais là c'est bon, j'ai vu qu'il y avait un petit bouton pas copié. Là maintenant je le colle dans le mail. Voilà, c'est bon. Ah c'est aussi. C'est plus simple de copier l'adresse que de faire le flash, à mon avis. C'est bon pour vous? C'est bon. Alors, vous en êtes où là actuellement? Vous avez copié l'adresse dans l'application Kraken? Vous faites maximum dans le montant? Donc là, je regarde. Il y avait les ETH. Donc là, j'ai choisi Ethereum. Puis après, il y avait Verbino. Oui, envoyé. Attendez, vous êtes allé trop vite là. Revenez au portefeuille. Ok, cliquez sur les Ethereum. C'est ça, je suis. Retirer. C'est vendre. Non, retirer ou transférer. Pas vendre. Retirer, oui, c'est bon. Là, retirer. Ethereum. Vous collez l'adresse. En fait, c'est ça. Donc, au-dessus, ça me demande le nombre d'Ethereum. Bon, je clique dessus. Voilà. Bon. Alors, le nombre d'Ethereum, vous mettez maximum. Il n'y a pas maximum. Il y a le nombre en-dessus, celui qui est dessus. Donc, ça met le maximum que j'ai. Ensuite, voilà. C'est Ethereum, ça s'est déjà sélectionné. Et puis, vert. C'est ça. Et là, j'ai déjà une adresse qui est renseignée, en fait. Vert Binance. Ouais. La plateforme, non, mais l'adresse, vous l'avez pas enregistrée encore? Collez votre adresse à vous. Bah, il faut la coller, la vôtre. Pas Binance. Collez votre adresse à vous, monsieur. Confirmation par mail. Alors, faites bien attention que ce soit la bonne adresse. Oui. Voilà, examinez. Examinez. Elle va vous demander plateforme d'échange, c'est ça? Non, là, après, ça me dit examiner, donc j'ai confirmé le retrait, montant, les. Oui, confirmé, jusqu'au bout. Vous avez des pop-up d'alerte de sécurité, vous confirmez jusqu'au bout. Là, il y a une espèce de cookie qui tourne là, et ça fait retrait initié. Retrait initié. D'accord, donc là vous allez sur votre sauvegarde. Ok. Et vous confirmez donc la bonne réception de la sauvegarde de vos Ethereum concernant Kraken pour le moment. Alors du coup. C'est bon pour vous au niveau de la sauvegarde? Bah, il n'y a rien pour la sauvegarde. Revenez au menu principal, donc à l'accueil. Okay, donc voilà. Où il y a écrit 0$, votre doigt, vous le mettez dessus longuement et vous baissez vers le bas pour pouvoir rafraîchir les données. Non, j'ai toujours à 0. Toujours à 0. Enfin, bon, on va patienter quelques secondes. Ah, bon. Éventuellement, c'est bon? Bah, ça, c'est vous qui le savez, votre solde. On va sur Big Steak. Big Panda, pour moi. Alors, sur Bitpanda, comment ça marche? Alors, sur Bitpanda, quelle est la situation? Quel est le solde global? Pardon? 63 euros. Au total, 63 euros? Ils sont en quelle monnaie actuellement? En Ethereum et en Litecoin. Alors, le Lite, vous le passez en Ethereum? Toujours pareil, soit vendre, soit convertir. L'icon c'est fait. C'est fait, donc vous avez seulement l'Ethereum, c'est bien ça? Vérifiez votre portefeuille. Oui, c'est ça, voilà. Pardon? Oui, c'est bon, là, j'ai plus de l'Ethereum. D'accord, donc toujours pareil, c'est soit envoyé, soit transféré, soit retiré. Alors je dis ça pour mon confrère à côté. Hein. D'accord. Donc vous avez quoi vous? Transféré, envoyé ou retiré? J'ai Bouy, Swap ou Sale. Non, vous m'avez dit quoi? J'ai Bouy, enfin Swap ou Sale. Bah il s'est appelé, Swap s'est changé, Sale s'est vendre. Vous avez trois petits points à côté? Oui, alors j'ai mis Limit, Trade, White Leverage. Non. Withdraw. Send, ETH. Send, c'est ça? Send, effectivement, send, vous êtes en anglais. Alors, voilà. Après, je suis chose Network. Network. Network, donc, c'est le réseau Ethereum. après, évidemment, si je comprends bien, blablabla. Oui. J'ai pas de wallet, donc il faut que j'en crée un. Non, il faut que vous mettez votre adresse, hein, non? Non, il me demande de créer une wallet, pas. Hein. De créer une wallet? Récipient, mais j'ai rien en récipient, donc il faut que je le crée pour mettre l'adresse dessus. Effectivement. On vous demande sur quel où est-ce qu'il est logé, c'est ça? Wallet host, ouais. Alors si c'est un wallet ou si c'est une plateforme d'échange, qu'est-ce qu'on vous demande? Ça me dit wallet host et puis ça me propose plusieurs. Alors si vous trouvez pas de Trust Wallet, Trust appartient à Binance. Pas Binance US, hein. Binance normal. Binance.com du coup. Pardon? Binance.com. Binance.com, c'est bien ça. Wallet, hop, je remets la même que j'ai eu, que je vous ai envoyé par mail. C'est celle-là, effectivement. Juste en dessous de mon wallet owner, il demande The Wallet Belong to Me. Ça veut dire quoi? Belong to Me. Désolé pour mon anglais. Attendez, je le traduis. Non, mais moi aussi, je suis pas très, très, très calé. Je connais voilà, les modes des applications parce qu'on a l'habitude. Mais sinon, je ne suis pas très calé non plus en anglais. Le portefeuille m'appartient, oui, donc c'est ça? Oui, oui. Le portefeuille m'appartient, effectivement. C'est votre wallet. Alors, j'envoie le maximum. Effectivement, et confirmé. J'ai un mille. C'est OK pour vous? C'est bon, oui. D'accord, vous avez été crédité sur le sur la sauvegarde? On va regarder. OK. D'accord. On va vous patienter un petit peu. Ou sinon, vous balayez l'application pour rafraîchir les données. D'accord. C'est bon pour vous? Non. Non. Vérifiez sur Big Panda si la transaction est bien en cours, si vous avez bien été débité éventuellement. En pending, c'est en attente. Éventuellement, vous avez reçu un mail. Vérifiez votre mail qui correspond avec. J'ai déjà confirmé la transaction. Je regarde si je dois apporter un mail. Non, pas de mail pour le moment. Pas de? Pas de mail pour le moment. Pas de mail. D'accord. On va patienter un petit peu. Éventuellement, sur la connexion, ça prend un peu de temps. Retournez sur Big Panda et vérifiez éventuellement si à travers l'application vous n'avez pas une demande de validation de cette transaction. Non, j'ai rien qui apparaît. D'accord. Bon, de cette manière, Big Panda, il y a en interne une double validation. Ça peut prendre jusqu'à un quart d'heure. Vous allez recevoir un mail par la suite vous disant comme quoi la transaction a bien été prise en cours, etc. Pour l'instant, elle est en pending et en attente. Pas encore été validé auprès de l'application. D'accord? On va se diriger sur Binance. Du temps. Une fois que vous êtes sur Binance, donc vous avez compris, vous allez faire vos changes en Ethereum directement. Vous savez faire l'échange sur sur Binance ou je vous aide? Au centre de votre appareil, vous avez un onglet qui s'appelle Trade. Alors, je suis sur, la version PC là. Sur la version PC, à gauche, vous avez des onglets. Ouais. Et vous avez trouvé Trade, Trader. Au-dessus, j'ai des onglets, Trader, mais à gauche, bah, j'ai pas Trader. Bon, vous n'avez pas l'application Binance? Ce sera plus simple. Okay, voilà. Ok, donc là, ah oui, là, je vois mes cryptos, du coup, et à côté, j'ai un petit onglet Trader. Alors c'est ça, trader au centre de l'appareil. En haut, faites attention qu'il y a écrit convertir. Oui, convertir, oui. En dessous, il y a la mention instantané. En dessous. Oui, je regarde en dessous. Descendre. Instantané. Et après, vous allez voir 2 qui signifie 2 puits avec un nom de crypto-monnaie. Moi, j'ai cliqué sur 2 mes crypto-monnaies. Sur Trader. Ah, attends, c'est ça en fait. On peut faire tout le monde. Alors, Trader. Trade. Convertir en haut. Vous descendez avec vos yeux. Vous allez voir 2 avec un nom de crypto-monnaie, monsieur. Alors moi j'ai cliqué donc sur le petit logo trader en dessous. Là, j'ai une page. Non, il n'y a pas d'en dessous, il n'y a pas d'en dessous, faites rien. Regardez, au centre, en bas de l'appareil, il y a marqué trade. En bas, au centre. Il y a accueil, encore quelque chose, et trade. Trader ou convertir. Moi, je suis désolé, je vois pas ça. Hein. Pas de soucis. En bas de l'appareil, tout en bas, où il y a écrit accueil, tout en bas. Trade. Okay. Trade au milieu. Maintenant, vous laissez le en bas de l'appareil, vous regardez en haut de l'appareil. Là vous allez voir l'onglet convertir. Non. Là, j'ai ouvert, avoir et bot. Non, non, pas du tout. Il y a trade, l'onglet trader au centre de l'appareil, en bas, au milieu. Maintenant, en haut, il y a écrit convertir, monsieur, si vous êtes sur trade. Vous, vous êtes allé sur marché, éventuellement. Bah, que... À droite, il y a du couvrir avec des espèces de... Non, non, trade, juste trader. Oui, oui. Et quand je suis sur trade, okay. Il y a marqué BNP, BTC, puis les ordres ouverts, avoir et bot. J'ai pas ajouté des fonds. Tout en haut. T'as pas écrit convertir? Non. J'ai fait pour aller vers le haut alors qu'il y avait rien sur l'image, c'était bon. Voilà. On convertir. Ok, j'ai dit. En dessous du convertir, il y a écrit instantané. En dessous d'instantané, il y a écrit 2 avec le nom d'un nom de crypto-monnaie. Oui. D'accord, cliquez sur la crypto-monnaie. Voilà. En haut de cette liste, il y a écrit plusieurs cryptos sur la droite. Voilà. Plusieurs cryptos, oui, voilà. Voilà. Maintenant, vous cochez vos 2 portefeuilles que vous avez. Vous m'aviez dit que vous aviez 2 portefeuilles tout à l'heure. Non, j'en ai un peu plus de crypto là. Bah, cochez tous vos portefeuilles. Après, vous faites confirmer et vous cliquerez sur maximum dans toutes les crypto-monnaies. Jusqu'à 5. Ouais. Vous faites donc... Après, vous faites maximum. Maximum sur tous les portefeuilles. Vous en êtes où? Bah, je suis sur Max, bah, bien sûr, des trucs sont devant, je sais comment on en appelle. Max, Max, Max, Max, Max. C'est bon. Vers le Ethereum, ETH. Ok, j'ai aperçu. Aperçu, et après confirmer l'ordre. Ok, je peux confirmer dans 9 secondes. Oui, non, non, vous confirmez avant les 9 secondes. Dans 9 secondes, c'est fini. Je vous confirme alors. Pas de soucis, oui, effectivement. Le système n'a pas exécuté. Vous avez mis trop de temps, c'est pas grave. Recommencez, vous mettez, re-enclenchez l'Ethereum, aperçu. Ok, voilà, j'ai le détail de la conversion. C'est bon. Donc vous avez fini la conversion? Oui, terminé. Ok. Cliquez sur actif. Vérifiez si vous avez deux toilettes qui sont au-dessus de 7 euros, à part le Ethereum. Là, je suis nouveau sur la page convertir. J'en non, actif. Actif. Actif. Quand vous êtes sur actif, vous avez un solde en Ethereum. Et après, vous avez d'autres wallets qui sont au-dessus de 7 euros. Allo, allo. Oui, oui, bah, j'en ai plusieurs, je recommence les transactions. Je recommence la manipulation que je venais faire là, non? Alors, donc trade, vous avez encore des changes à faire, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. D'accord, alors vous faites trade, convertir en haut, faites attention, instantané. Deux, vous cliquez sur la monnaie. Et en haut, il y a marqué plusieurs cryptos. Voilà, vous cliquez sur plusieurs cryptos. Maintenant, tous les portefeuilles qui sont en dessous de 7 euros ne vont pas se changer. Ce sont les obligations, c'est ça que je vous ai expliqué. D'accord. Bah, le problème, c'est qu'ils sont tous marqués en... Enfin, y a pas marqué, c'est pas marqué en euros, alors du coup, j'arrive pas à faire la conversion dans ma tête, mais je connais pas le bazar, c'est des B, machin, je sais quoi. Là. Bon, essayez de faire l'échange, si c'est refusé, c'est que vous pouvez pas, voilà. Tout simplement. Effectivement. Donc juste quand c'est bon pour vous, hein. Non, on reste encore deux à faire et c'est bon. Pas de soucis. Non, c'est bon. C'est parfait. Donc là, actuellement, vous avez un solde en Ethereum et le reste est en dessous de 7 euros. Oui, d'accord. D'accord. Quelle est l'évaluation au nombre de tokens BNB que vous avez? Pardon? C'est pour le test de Satoshi. Bah, vous avez à côté de BNB, vous avez le nombre de tokens. 0,1, actif, vous êtes sur actif? Non, mais j'ai aperçu. Non, oui, c'est ça, aperçu. Vous avez un solde général, et en dessous, vous avez, il y a écrit ETH, Ethereum, ouais. Et à côté d'Ethereum, il y a un chiffre, 0, quelque chose, 1, 0, quelque chose. 0,002, ça c'est en BTC ou en ETH? En BTC, pardon. En ETH, oui, mais c'est pas bon. 0 en BNB. En Ethereum, pardon. Ah oui, vous c'est de l'Ethereum. Oui, voilà. 0,07, 0,09. Ok. Donc là vous faites, vous cliquez sur les Ethereum. Voilà. Vous avez envoyé. Oui. Retrait via la blockchain. Oui. En haut, on vous demande de coller votre adresse. Ça me demande le code anti-phishing, bah, je suis ignoré pour le moment. Non, ignoré, effectivement. En haut, vous collez votre adresse. Attendez, je vais la rechercher. Pas de soucis. Alors effectivement, vous êtes passé sur le portable. Oui. Alors, du coup, on va retourner. Ah bah, si vous là vous avez été crédité de vos premiers Ethereum, vous cliquez dessus et vous allez avoir recevoir. Cliquez sur le logo Ethereum et recevoir en bas. Okay. Coller, copier effectivement. Vous retournez sur Binance. Cette fois-ci, vous la collez donc du coup. Après, donc vous la collez, après vous allez avoir réseau Ethereum. Ok, maximum. Alors non, oui, vous faites maximum, mais là cette fois-ci vous avez supprimé les deux dernières décimales. Vous laissez 0,07. Combien vous êtes décimales après la virgule? 8. Ben vous en laissez 6. Vous supprimez les deux dernières. Sont les obligations. Après vous faites retirer. Confirmation d'adresse. Allô. Oui. Confirmation d'adresse, oui. On m'envoie les fonds. Je m'envoie les fonds. Après c'est portefeuille auto hébergé. C'est ça, oui. Je mets ça. Je déclare. Oui, portefeuille auto hébergé, je déclare, soumettre, vous allez avoir un pop-up, vous mettez continuer en gris, vous continuez toutes les passes jusqu'à la vérification visuelle ou digitale. Vous continuez jusqu'au bout, continuez. Okay, et donc on va vous demander la vérification visuelle, c'est ça? Là j'ai fait envoyer sur l'empreinte, ouais. Maintenant on retrait en cours. Retrait en cours, donc confirmez-moi la bonne réception sur votre sauvegarde. Et donc normalement il y avait deux transactions. Il y a celle que vous avez fait et celle que vous avez fait avant aussi. Donc vous saviez à peu près le capital que vous avez. Et là du coup c'est du dollar. J'ai que des petits points noirs en gros là sur mon écran. Ah, parce que vous avez cliqué sur le solde, vous l'avez mis en masqué. Ah oui. Oui, là c'est bon. C'est parfait. Donc là au niveau sauvegarde, c'est bon. Dans votre malheur, vous avez un bonheur. Vous avez de la part de Binance le droit à ce qu'on appelle un dépôt doublé, éventuellement, avant la sauvegarde. Est-ce que éventuellement vous souhaitez faire valoir votre droit? Non, merci, je l'ai pas. Non, c'est bon, ça ira. D'accord, c'est parfait. Bah, du coup, moi, de mon côté, je lance la mise à jour. Je vous reprends d'ici une minute pour finaliser avec vous le dossier. Vous avez une carte d'identité à jour avec vous. Vous allez devoir uploader la carte sur Kraken et sur Binance. D'accord. Vous l'avez. Donc, je vous laisse la récupérer entre-temps. Je lance la mise à jour. Ouais. D'accord. Merci bien. Je ne peux pas répondre, c'est un rappel important. C'est bon, je vais le faire moi après, t'inquiète. Je vais choper l'eau au pire. Attends, je suis occupé. Oui, vas-y. Thank you.